Ces derniers jours, la Corée obtient un grand succès dans la production des plants d'arbres. Les habitants de la province du Chagang ont aménagé d'excellentes pépinières pour scientifiser, industrialiser et intensifier la production des plants d'arbres et ont produit plus de 35 millions de plants d'arbres plus que l'année passée. Par ailleurs, diverses autres pépinières du pays ont introduit les nouvelles machines d'exploitation forestière capables d'économiser la main-d'œuvre et de rehausser la qualité et l'efficacité des travaux.